Dans un monde où l'honneur est au-dessus de tout, pendant une guerre sans fin, des samouraïs cherchent à prendre leur destin. Chacun guidé par leurs devoirs et leurs désirs, ils auront affaire à l'une des villes du clan du crabe, Sunda Mizumura. Vous êtes en 1160, donc l'Empire commence à se mettre en pause dû aux affrontements parce que c'est l'hiver, vous êtes dans les trêves hivernales, mais vous savez qu'au printemps, les conflits vont continuer et tous les clans vont se ruer les uns contre les autres pour des questions de territoire, peut-être de vengeance, d'honneur perdu, de pas avoir décédé au combat ou peut-être même... par du pouvoir pur et simplement. Vos parents vous ont envoyé à Sunda Mizumura, la cité de l'eau pure, pour, entre guillemets, non pas que vous protéger, mais peut-être vous inculquer le rôle des samouraïs adultes. Et celle qui est la principale, c'est de servir à un daimyo ou une ville. Pour le cas aujourd'hui, ce serait une ville. Donc, vous êtes des apprentis, ce qu'on appelle des yoriki de la magistrature d'émeraude de Sunda Mizumura, tenus de main de fer par Kuni Aiesu, un membre du clan du crabe de la famille Kuni. Il est assez costaud, vous l'avez déjà rencontré. Vous êtes hébergé dans la maison de Ida Fujikawa, le fameux Ida qui a perdu le championnat de Topaz, mais qui était avec vos parents et qui a eu une grande amitié avec certains de vos anciens personnages. Donc Ida Fujikawa n'est pas présent pour le moment, il a dû partir dans le château du Daimyo, du champion du clan du crabe, pour des affaires, donc il vous laisse sa magnifique bâtisse, hein, je vous remets la petite carte, sa magnifique bâtisse avec vos appartements privés, etc. Vous avez des serviteurs qui sont là aussi pour vous aider, même pour vous servir, c'est-à-dire si vous avez besoin d'aide, c'est même, par exemple, si vous avez besoin de faire des courses ou d'avoir des informations spéciales, ils peuvent être envoyés comme messagers par exemple, vous demandez, je ne sais pas, mais je dis ça, un tas de légumes, vous pouvez aller demander, et c'est pas vous de faire les courses, quoi. Oui, ça s'écrit comme ça, Fujikawa. Vous avez reçu une lettre de la part de Kuni Aiesu vous acceptant au sein de la magistrature, mais il a quand même imposé peut-être une restriction. C'est quand même vous êtes entre les mains assez dures de comment s'appelle ce type de Shenji Sensei, donc un professeur de l'école Ita, donc un spécialiste des armes lourdes et des combats à main nue, et du coup aussi de la lutte. Et par la même occasion, du coup, vous comprenez bien que ça peut être utile si vous avez besoin d'arrêter quelqu'un sans sortir vos sabres et lui couper les jambes. Ça peut être utile d'avoir quand même des idées de comment se battre à main nue. Donc, Senji vous a testé. Il a vu la valeur de certains contre d'autres que je ne citerai pas, qui a choisi une autre voie que celui du Bushido pour attaquer Senji Sensei. Ce n'était pas aussi simple. Et du coup, on s'est arrêté. Vous avez passé une journée assez difficile. Vous êtes allé vous coucher après être passé au bain parce que vous étiez plein de transpiration. Vous êtes passé au bain, vous êtes remis un peu en question, peut-être... Il était puissant, hein. Il était quand même assez costaud parce que lui seul, il arrivait quand même bien à vous recadrer. Vous avez peut-être peur que la plupart des crabes sont connus pour être des têtes brûlées ou d'être des personnes assez violentes. Donc s'il y a des gens comme lui qui devaient être arrêtés, vu votre poids et vu votre taille, ça risque d'être compliqué. Tout du moins, vous vous reposez avec ces questions Et normalement, le lendemain, vous avez rendez-vous avec Kuni et Ayesu pour qu'ils vous donnent le secteur de la ville sur lequel vous devez opérer. Hop, je remets un peu la ville. Donc, dans lequel vous devez opérer. Donc, sachant que vos missions sont assez simples, hein, c'est un peu gardien de la paix avant tout, entre guillemets. Vous êtes de la magistrature, donc vous avez quand même certains pouvoirs que d'autres n'ont pas. Par exemple, vous pouvez, entre guillemets, pseudo rendre justice sur place. Ce qui permet quand même de gagner énormément de temps en procédure. Donc, par exemple, s'il y a eu accident, s'il y a eu vol, s'il y a eu même... si vous voyez agression, etc., vous pouvez intervenir, alors que d'autres samouraïs ne pourraient pas. Ils n'ont pas les droits d'intervenir dans ce genre d'affaires. Vous aurez bien sûr aussi un salaire qui vous sera donné par Kuni Ayesu. Vous ne savez pas encore la somme, mais ça risque d'être quelques coucous par semaine. Par mois, pardon. Oui, par semaine, ça fait beaucoup, par contre. Bref. Donc on va venir sur la présentation des personnages et qui sont les joueurs qui sont maintenant à la table, qui sont les descendants de vos anciens PJ. Donc je vous laisse vous présenter, on va commencer dans l'ordre, hein. On va faire moto à Gar Bartar et tu vas commencer. Voilà. Alors moto Gar Bartar est un Bushi du clan de la licorne de la famille Moto. Donc c'est quelqu'un qui arbore une face, une tête, une expression qui assez confiante. C'est-à-dire, il est sûr de lui et il le montre au quotidien, peut-être avec une pointe d'arrogance pour certains. C'est quelqu'un de plutôt moyen, pas très petit, pas très grand, ni trop gros, ni trop maigre. C'est une moto, aime s'habiller, peut-être pas coquettement, mais il aime bien être vêtu de façon correcte et appropriée pour un bushi. Tu as un kimono note. Quand même de belle facture. C'est ça. Aux couleurs de ton clan, mais avec ce qu'on appelle de la fourrure, ce qui est un peu des notes des autres vêtements classiques de Rokugan. Certes, mais quand on est en moto, se plaît à croire que ça le démarque un peu de quand on est un peu des gros rustres, comme il les qualifie, donc de ses amis du clan de la licorne, et particulièrement de la famille Moto, connue, enfin, n'est pas connue justement pour son raffinement. Raffinement, donc, auquel Moto apporte une grande importance. Je crois que quand on la valeur de l'étiquette du Bushido est avant tout primordiale. Et il la place un peu au-dessus des autres, ce qui, encore une fois, rentre un peu en contraste avec la famille Moto. Très bien, tu as parlé aussi d'un casque brisé. Effectivement, héritage d'un de mes aïeux qui avec mon cheval m'a été donc légué en cadeau en fait ton nom hein, Gar Bartar est le nom de ton grand-père à qui appartenait ce casque. Et tu sais qu'il a été tué lâchement et bien sûr avec beaucoup de souffrance par un membre du clan du Scorpion il y a de cela plusieurs années. Il y a toujours des légendes qui circulent autour de l'affrontement qu'il y aurait eu. Mais de ton clan, du point de vue de ton clan, c'était quelque chose qui est resté comme étant un crime, alors que ceux du clan du Scorpion trouvaient ça légitime. Bref. Effectivement, et depuis, il y a une certaine inimité, du moins, entre mon personnage et tout ce qui peut ressembler de près ou de loin au Scorpion. Au Scorpion, oui. Et bah tiens, en parlant de Scorpion, Yoritomo Koei. Yoritomo, tu n'es pas du Scorpion ? Non, je ne suis pas du Scorpion. Ma mère, par contre... C'est une autre affaire. Yoritomo Koei est un jeune homme de 17 ans, en réalité. Pas excessivement grand, pas excessivement petit. Bon, plus petit que ses homologues autour de cette table. Plus petit que la moyenne de la population de Sundamizumura, ça c'est sûr. Vu qu'il est jeune. Vu que c'est la plupart c'est des Ida qui peuvent faire le mec 80. Ah oui aussi. Et donc, fils d'une femme issue de la noblesse clan du scorpion, mais aussi d'un père ayant eu certains moyens, ayant développé l'entreprise familiale et le commerce des îles du clan de la menthe. On remarque quand même qu'il a tout un attirail d'armes sur lui, notamment deux arcs fort bien ouvragés et un Kurasigama, si je dis pas de côté, tout aussi bien ouvragé. Ses vêtements sont quand même assez finement travaillés, et on voit quand même que ses parents ont eu les moyens de lui offrir peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais ce qu'il y a de très bien, quoi. Tandis que son sabre, son katana, laisse penser très fortement, ou en tout cas rappelle très fortement les katanas du clan du scorpion. C'est offert par son grand-père, du côté maternel. Pour ceux qui ont déjà parlé avec Yoritomo, ils savent qu'il est pas forcément un but de sa personne, mais il qualifierait son clan comme étant indignement relégué à une place de clan mineur, et il rallie l'utilisation des mêmes moyens que le scorpion pour la réalisation des ambitions du clan de la menthe. Ok. J'ai rien à dire de plus. Si ce n'est que le clan de la menthe est très bien intégré dans la ville, sachant que les marchands du clan de la menthe ont une grosse autonomie, ce qui permet à certains capitaines de pouvoir vendre n'importe quel type de marchandise, que ce soit légal ou non, dans les terres du clan du crabe, enfin surtout à Sundamizumura. Tu portes un katana avec toi en particulier, surtout. C'est ça qui fait que ça peut paraître un peu étrange. Effectivement, le katana offert par mon grand-père, avec des symboles du clan du scorpion, ou rappelant en tout cas les forges du clan du scorpion. Voilà. Et tu portes le nom de Koei, qui est pour certains, est très connu dans l'Empire comme étant le meilleur marin. Il a fait ce qu'on appelle des blocus de port chez la grue et surtout chez les phénix. Surtout chez les phénix. Et considéré comme un héros national. Et c'est avec grand honneur que tu portes son prénom. En même temps, tu t'appelles Yoritomo. C'est sûr qu'on ne pourrait pas se tromper avec un Bayushi. Moto. Mirumoto, pardon. Fou là. Oui, donc Mirumoto Kiyoshi. Je suis le fils du très célèbre Mirumoto Kimimitsu. Donc je fais partie du clan du dragon. Physiquement, je suis quelqu'un de taille normale. J'ai 18 ans. Je suis assez fin. Plutôt élancé. Avec des habits très amples mais très souples. Vous pouvez voir que je porte deux katanas, dont un qui est un katana qui a été fait par le clan du crabe. Vous pouvez voir également que mes cheveux sont très longs, très beaux. Et que j'ai deux broches en fer qui viennent orner mes cheveux devant pour m'éviter que ça tombe trop sur mon visage. Je suis quelqu'un de très sociable qui parle facilement aux gens, qui est plutôt de bonne humeur en général, et qui quand même calme. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime bien discuter, qui aime bien rigoler, mais sans trop en faire non plus. Que dire de plus? J'avoue, là, comme ça, je dirais que c'est tout. Ok. Oui, bah, très bien. Tu portes aussi un katana, j'allais te dire. Tu portes deux katanas en particulier. Oui, c'est ce que j'ai dit. Deux. Quand on te voit, on voit tout de suite que tu sais les maîtriser et que tu as aussi bien celui du dragon que celui du crabe. Iruma. Alors, bah, Iruma Kurokaze, c'est un jeune homme aussi de 18 ans qui est très petit, lui, par contre, hein, à peine 1m60. Il a un visage particulièrement harmonieux, avec des yeux bleu foncé, ce qui dénote parmi justement ses confrères du clan du crabe. Ses cheveux noirs donc sont retenus par une queue de cheval et un bandeau qui l'arbore en permanence. Il porte aussi donc un katana, on va dire qu'il porte une certaine marque de noblesse, un katana de la famille Caillou. Que dire d'autre? Là aussi, c'est déjà pas mal. Hein. Il a un Aori avec les symboles du clan du crabe, hein, qui porte aussi en permanence. Voilà. Très bien. Hop, la famille Caillou, oui, tout à fait. C'est pas du tout ça. Très bien, très bien. Après que vous êtes levé matin, les serviteurs vous ont apporté le petit déjeuner, donc quelque chose assez qui remplit bien l'estomac pour une journée certainement de travail. Vous avez justement demandé spécialement c'est un copieux repas. Donc riz, tout ça, soupe, miso, vous mangez tout ça. Et vous êtes parti depuis l'auberge qui se trouve dans le quartier de la rive Est pour se trouver dans le quartier des nobles, dans le palais de... je vais vous déplacer dans le palais du champion des brocs, en tout cas le palais de Sogda Mizumura, du champion des brocs, du magistrat des brocs. Donc vous en trouvez tous, enfin, vous étiez déjà partis peut-être tous ensemble. Vous êtes accueillis par un serviteur qui vous mène justement dans les bureaux du magistrat d'Emeraude. Et disons que vous voyez qu'il vous laisse dans le couloir, tout du moins devant les portes, là où il y a son bureau. Et vous avez quand même l'impression qu'il y a l'air d'avoir du monde à l'intérieur de la pièce. Vous entendez des voix, certainement celle de Kuni Ayesu, une voix plutôt forte qui a du répondant, qui a l'air de parler à une autre personne. Vous ne reconnaissez pas la voix, en tout cas c'est pas celle de Senji Sensei, c'est l'air d'être quelqu'un d'autre. Vous hésitez un moment de rentrer, mais vous sentez quand même qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui a l'air de plutôt mal se passer. Est-ce que vous continuez... qu'est-ce que vous faites du coup? Est-ce que vous attendez patiemment que la personne qui nous a amené là, le serviteur, nous a dit d'attendre ici ou bien nous a... Il nous a lâché dans le couloir. D'accord. Et quand tu dis que ça a l'air de mal se passer, c'est-à-dire c'est une... Ça hausse le ton en fait. Oui, c'est une dispute, mais ça n'est pas violent quoi. Il n'y a pas de violence particulière. Non, ça n'a pas l'air violent, mais ça a l'air d'être une dispute. A l'air disons que tu n'as pas entendu des bonnes discussions comme ça, enfin des discussions qui a l'air vraiment de pratiquement le type il hurle, enfin il gueule et la même chose pour son interlocuteur, il crie aussi beaucoup, enfin il hausse le ton. Est-ce que ça justifie que nous on intervienne là-dedans? Pas forcément. Voilà, donc, quel genre de propos sont tenus? Pardon? Quel genre de propos sont tenus? Tu écoutes un peu la conversation, tu vois que il y a le type qui a une voix assez simple, hein, je compare à Yezu. Il dit Yezu, il faut que tu interviennes. Il faut que tu utilises ta place dans le conseil. Il faut que tu l'utilises et rappeler à tout le monde quel est ton travail. Il ne faut pas te laisser faire comme ça. Et tu vois que ça a l'air de partir. Tu sais pas du tout comment ça commence à partir. Il y a Kuni Ayezu qui lui répond tout simplement de se taire, de le laisser faire. Il fera ce que dicte son devoir de magistrat. Il n'a pas d'ordre à recevoir des autres membres du conseil. Tu vois que l'autre lui répond tout simplement que si il est magistrat, c'est grâce à lui et à nul autre. C'est lui qui a appuyé sa proposition et c'est lui qui l'a fait rentrer au sein de la magistrature. Il lui doit beaucoup. Tu vois que... Va-t'en ! J'ai du monde à recevoir, va-t'en ! Et tu vois que l'autre, il a l'air quand même d'insister, tu vois. Il lui dit, il faut que tu interviennes. Donc là-dessus, vous avez l'impression que ça... Il a l'air de pas lâcher l'affaire, hein. Ça a l'air d'être compliqué. Vous attendez patiemment que la discussion se termine ? Ouais, c'est une bonne idée. Je vais glisser. Peut-être que si nous aidions. Peut-être que si nous aidions notre magistrat, il pourrait être reconnaissant si nous aidions à écourter cette discussion. Je pense que cette discussion n'a même pas lieu d'être entendue par nous. Ne serait-ce que le fait de savoir. Enfin. Lui faire savoir que nous aurons pu entendre pour être mal pris. Je pense aussi. Je sais. Parlons très fort. Nous pouvons feindre de faire du bruit alors que nous arrivons dans le couloir, par exemple. Voilà, signalons notre présence en parlant très fort. Ostensiblement. Et donc, ce sabre, il est de magnifique facture. Où l'avez-vous donc acquis ? Commencez à parler plus fort qu'eux. Du coup, ça commence à... Ils vous ont entendu, hein, vous entendez que ça s'est calmé. Et vous entendez pas ce qu'ils se disent. Mais d'un coup, la porte s'ouvre, tu vois que le mec fait claquer la porte, bam, comme ça. Et vous voyez un homme, une mine assez basse. Il a l'air assez âgé, mais vous voyez dans son regard un certain regard de mépris envers vous. Peut-être une sorte de... Oui, vous avez l'impression qu'il vous méprise. Vous voyez la tête? Alors, je pense que vous voyez le nom aussi. C'est pas grave. Oui. Ok. Donc, là-dessus, il sort, il vous bouscule un peu, quoi. Il vous rentre pratiquement dedans en vous demandant de vous écarter. Et il s'en va tout colère de la pièce. Et vous sentez qu'il y a Kuni, Ayezu-sama, qui commence sur son bureau quand il est... assis, il regarde vraiment dans l'horizon, il vous voit même pas à travers la porte, tu vois qu'il est vraiment concentré sur quelque chose, et que juste quand vous annoncez votre présence, il se réveille un peu, il vous voit et vous dit « Ah !» Hop. « Ah, voici mes Valori Yoriki, venez, approchez. Je vous offre à boire, je vous offre quelque chose. » Ouf, et il commence à se servir dans un petit pot en terre du saké, très tôt le matin. Du thé, cela suffira, monseigneur. Nous avons déjeuné très copieusement. Oh. Tu vois qu'il est un peu en transpiration, tu vois qu'il remet bien son kimono, il se remet vraiment d'aplomb, il boit un coup, il souffle un peu, il fait « Ah !» Bon, on va revenir sur votre sujet. J'ai eu Senji-san. Il m'a dit que du bien de vous. Surtout de vous, en pointant Yoritomo Koei. Merde. Il m'a dit que vous avez un fort potentiel lors de ces tests, et qu'il faut peut-être un peu plus d'entraînement, mais que vous serez certainement une très bonne recrue. Je n'en doutais pas. Du moins, ce que m'a fait valider, c'est plutôt que Ida Fujikawa a vraiment insisté pour que vous soyez à la magistrature. Sachez que, de façon habituelle, nous acceptons très peu d'étrangers au sein de la magistrature de Sunda Mizumura. Exceptionnellement, vous ferez votre propre... j'allais dire gang, non c'est pas gang, votre propre groupe. Vous serez les Yuriki et vous allez vous occuper d'un quartier qui est un peu tranquille, je tiens à le dire. Disons que vous avez aussi beaucoup de chance, c'est le quartier du Rock. Ce quartier est vraiment tranquille en journée, mais c'est que à partir du milieu de la soirée que ça peut être dangereux. Disons que c'est un quartier de divertissement. Vous le connaissez sans doute, vous êtes peut-être déjà passé dedans, mais vous me semblez un peu jeune et peut-être pas de ce genre-là. Il y a beaucoup de bars à saké et aussi beaucoup d'activités du style théâtre kabuki en plein air, jongleurs, danseurs, etc. Je vous demande juste de faire des patrouilles dans la ville avec... votre nouveau mode que vous devrez porter comme un badge de cow-boy, hein. je dis ça à MJ, hein, vous savez que c'est un truc, c'est une plaque en fer qui montre que vous appartenez à la magistrature. C'est genre on est le shérif. Voilà, c'est tout compris. Votre nouveau mode, donc en fait c'est une chrysanthème, donc c'est le symbole impérial. Vous avez du coup aussi, il vous tend d'ailleurs ces badges et un document que vous avez à vous partager, donc c'est un document officiel disant que vous êtes de la magistrature, vous êtes Yuriki de Kuniyaizu, blablabla, en quelque sorte c'est ce qui vous permet, si des gens vous posent des questions, vous présentez ça, normalement ils ferment juste bien leur tapet, et vous investiguez si vous avez besoin d'investiguer. Donc pour finir, il dit que c'est un quartier plutôt tranquille de jour. Il peut arriver que certaines personnes voudront un peu vous soudoyer, vous refusez catégoriquement. Si ça arrive, vous ne les arrêtez pas, vous leur refusez juste, et plusieurs fois. S'ils deviennent un peu trop... Insistants, vous avez l'autorisation, entre guillemets, de les conduire à la brigade la plus proche. En état. Mmh. Vous avez compris? Oui. Je pense que de toute façon, vous me semblez bien jeune et honorable. Pour en finir, j'aurai besoin de vous ensuite, très prochainement. Vous me ferez un rapport, si vous pouvez, toutes les fins de semaine. Un rapport collectif ou individuel. Vous les envoyez directement à mon bureau. Mon serviteur s'occupera de les lire et de me faire une encyclopédie de vos actions. Essayez d'être aussi de mettre le plus de vérité possible dans votre rapport, je vous en prie. Je ne suis pas dupe et je sais très bien lire entre les lignes. Tu vois qu'il est... Il sourit un peu. Très bien. N'oubliez pas de vous entraîner avec Senji Sensei de temps en temps pour que vous gardiez la main. Parce que, à force de traîner dans ce quartier, vous risquez peut-être de vous ennuyer. Moi, c'est ce que je pense. J'aurais une question, si vous le permettiez. Oui, tout à fait. Aurons-nous donc, nous, quand, entre guillemets, des jours de repos pendant lesquels nous pourrons nous consacrer justement. À cet entraînement avec Senji Sensei, ou notre fils aura lieu tous les jours, ce qui ne me gêne en aucun cas, bien sûr. C'est tous les jours. Parfait. Et aussi, je voudrais savoir, par rapport aux heures à laquelle nous devons officier, c'est toute la journée ou nous aurons des heures allouées à notre entraînement? L'entraînement, c'est plutôt le matin. Okay. L'entraînement avocata. Vous pouvez demander à CJCC de se déplacer à votre lieu d'habitation. Vous pouvez demander aussi à des moments creux de la journée, si vous le désirez. Vous êtes non loin, en plus, du des quartiers, on va dire, militaires, donc, des terrains d'entraînement, c'est pas ce qui manque. Mmh. Mais, disons que durant votre journée, vous devez quand même surveiller les rues, et durant la soirée aussi. Très bien. D'accord. Voilà. Donc on est là, on fera des patrouilles jusqu'à la fermeture des bars à saké, c'est ça? Pas forcément, disons que ça ferme assez tard. Ce que je vous demande, c'est que vous ayez une présence dans ce quartier, pour que les gens voient que des magistrats, la magistrature est présente, et qu'elle exerce sa fonction de parole de l'empereur. Très bien. De la justice. Auriez-vous des établissements ou des lieux en particulier qui sont plus sujets à des troubles que d'autres à nous signaler? Et non, vous êtes des yoriki de la magistrature, vous êtes là juste pour... Oui, bien sûr, mais plutôt dans l'esprit des gens de savoir que vous êtes ici pour les protéger. Et bien rendre sûr. Justice s'il y a besoin. Je souhaitais, ma question était, aurait-il des établissements ou des lieux en particulier qu'on est plus sujets à des troubles que vous pourriez nous signaler? Des lieux à surveiller de préférence. Des établissements sensibles. C'est ça. Garder un œil dessus. Je ne suis pas trop au courant des établissements prévus. Des établissements dans le quartier du Roc. Malheureusement, je n'ai pas eu le loisir d'avoir les anciens rapports de mes prédécesseurs. Tout du moins, je pense qu'au fur et à mesure, vous saurez quels sont les lieux à surveiller plus attentivement. Ah, nous pourrons déjà peut-être en discuter avec les gens du quartier. Oui. Exact. Et bon, j'imagine que si vous n'avez pas pu le lire, c'est que nous aurons sans doute pas accès à ces 10 rapports. Ce qui pourrait être d'une certaine utilité, mais je comprends tout à fait que certaines choses doivent être classifiées. Chez les ICOMA, chez nous, c'est un peu plus difficile de retrouver des documents qui ont plus de 10-15 ans. Je vois. Parfait. Nous sommes bien d'accord que nous aurons... En parfaite harmonie avec la garde grise et... la garde des eaux, oui. Oui. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, nous sommes le... Enfin, nous avons, des patrouilles. Donc, est-ce que le quartier Les Rocs est-il au bord de l'eau? Je ne sais plus. Non, il ne semble pas. Non, à côté de la montagne. À côté du roc. À flanc du roc. Effectivement. Et j'aurais dû m'en douter. Mais donc, la garde grise patrouille... La garde grise et la garde des eaux patrouillent dans toute la ville. La garde des eaux beaucoup plus proche plus sur les quais de la rivière et la garde grise un peu partout. Parfait. Et aurait-il justement un officier de la garde grise? Il va pas te mentir en te disant que bien sûr qu'il y a de la garde des eaux dans cette rue, surtout le soir. Ils aiment bien patrouiller des fois le soir dans le quartier du Roc. Surtout dans la place des petits plaisirs. Et du coup, est-ce que cela prend effet aujourd'hui même? Aujourd'hui même, vous pouvez dès à présent partir sur ce quartier. Peut-être vous aurez l'idée de vous présenter à certains établissements. Après, comme je l'ai dit, c'est plus pour faire figure. Je vous laisse une grosse autonomie et du coup de grosses responsabilités. Sachez que si des choses commencent à être particulièrement compliquées, vous devez me prévenir, m'envoyer une lettre, j'essaierai de me rendre disponible pour ces moments-là. D'accord. Et dernière question. Je vais vous faire ceci, une solde qui sera mensuelle de 5 coucous par personne par mois. D'accord. Ce qui est qu'un début. Si vous arrivez à prouver et faire vos preuves, j'augmenterai certainement cette somme. Et sinon, dernière question pour moi, doit-on arborer une tenue particulière ou nous conservons nos tenues personnelles? De même pour l'équipement, sommes-nous, avons-nous un matériel à aller chercher en particulier ou pouvons-nous nous servir de nos propres armes? Alors là-dessus, pour les propres armes, c'est normal, c'est ton seigneur qui te les a données. Donc, techniquement, c'est mieux. Donc, rien à... Très bien. Pour ce qui est de l'équipement, en règle générale, il ne pourra pas vous donner grand-chose. Tout du moins, l'équipement militaire, il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qui va nous différencier des gens est-ce qu'il y a un signe distinctif à avoir? Comme je l'ai dit... Limone. Okay. C'est ça, t'as un disque en métal qui fait 10 cm de diamètre, donc assez gros, en métal, donc assez lourd, arborant le symbole de l'empereur. Et du coup, généralement, les gens qui voient ça savent que vous appartenez certainement à une des branches de l'administration. Donc, d'accord. Soit vous êtes Yoriki, comme je l'ai dit, magistrat, ça peut être aussi autre chose, légionnaire, mais c'est autre chose. Bref. Techniquement, on vous reconnaîtra en disant vous appartenez à la magistrature, on a besoin de vous, et puis ça marchera comme ça. C'est comme l'étoile du shérif. D'accord. Voilà. Sinon, vous pouvez vous balader avec vos vêtements classiques. Il ne voit pas le problème. Porter une armure, ça peut vous épuiser, hein, il peut comprendre, mais si vous sentez que ça peut être chaud, il vous dit que oui, portez votre armure dans ce quartier. Voilà. Avez-vous encore d'autres questions? Pour moi, c'est parfait. Nous toucherons notre paye... À la fin du mois. À la fin du mois, très bien. Oui. Et l'insigne, où devons-nous le procurer? Peut-être que c'est vous. Un document prouvant que vous appartenez à la magistrature. D'accord. À part, excusez-moi, je n'avais pas. Il y a vos noms, donc clairement. Signé de Kuni Aizu. Avec le bon de l'empereur, etc. Donc un vrai document, c'est-à-dire vraiment un truc qui permet de faire. Des choses qu'un samouraï ne pourrait pas faire comme investiguer. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, ça. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Nous sommes prêts. Il en se resserre à boire et puis il vous souhaite une excellente journée et que, au plaisir de vous revoir si vous avez des résultats. Bien, merci. Et excellente journée également. Tu es obligé de dire Kuni-sama. Ah, Kuni-sama. Désolé. Excellente journée, Kuni-sama. Et puis tu sors en reculant parce que tu ne dois pas tourner. Oui, je ne vais pas le tourner dos. Bon, quoique le protocole, il n'est pas vraiment à cheval dessus, hein, même si... C'est Kuni reste... Aiesu ou c'est Aiesu Kuni? Kuni Aiesu. Donc, nom, prénom. Donc oui, donc c'est Kuni-sama. Kuni est une famille du clan du crabe connue pour être des... en particulier, il y en a certains, c'est des... C'est des chasseurs de sorcières, des Mao Tsukai, des chasseurs de Mao Tsukai. Donc, c'est une branche assez connue de leur famille pour être très, on va dire, inquisiteur. Voilà. Ok, du coup, passez une agréable journée, Kuni-sama. Donc, petite courbette et marche arrière. Ok. Donc là-dessus, j'ai pas traîné. Hein. Il va se passer quoi? Vous allez vous rendre sur place, le quartier du Roc, bien sûr. Du coup, c'est un quartier vraiment très tranquille. Vous êtes en pleine journée. Hein. Il y a quelques personnes avec des chariots à bras qui passent, mais pas beaucoup de passants. Hein. Vous voyez que les rues sont plutôt propres. Hein. Vous avez l'impression que on y prête à une réelle attention par rapport à d'autres quartiers, comme vous avez pu le voir proche. Du quartier des Franges ou j'allais dire même le quartier des États où c'est vraiment des déchetteries à certains endroits. Le quartier est vraiment nettoyé en très bon état. Mes amis, je pense qu'il serait de bon ton d'aller se présenter auprès des différents commerçants. Commerce, exactement, c'est ce que j'allais proposer aussi. Oui, peut-être prévoir un présent, quoique ce n'est absolument pas nécessaire, mais bon. Peut-être au moins pour le plus important, ça pourrait permettre de bien nous faire voir, même si... Vous savez, normalement, les présents, c'est aux forces de l'ordre qu'on les donne. Pardon. Je ne trouve pas ça très cornière drôle de rigoler de la corruption. J'avais une question en fait pour le MJ. La garnison de l'Ouest, donc le numéro 10, c'est ils peuvent patrouiller de temps en temps ou connaître le quartier quand même ou pas du tout? Alors, bah comme le nom l'indique, c'est une garnison, donc c'est plus des gardes. On ouais, mais bon, ils traînent quand même dans le secteur, quoi. Oui, bien sûr, et ils traînent dans le secteur. Je te le dis. Donc là, c'est clairement une forteresse, en fait. Je te le dis comme ça, c'est-à-dire c'est des murs assez hauts, comme une micro-forteresse en sein de la ville. Tu vois que c'est sur 3 étages. Mmh. L'édifice est entouré par des murs. Ça a l'air d'être une garnison, il doit y avoir 50 crabes à l'intérieur. Mais est-ce que c'est ces soldats enfin qui sont là, est-ce que ils peuvent avoir leurs petites habitudes de venir traîner un peu dans pendant qu'ils ont du temps de libre dans ce quartier? Oui, ils ont du temps libre, mais le truc c'est que ils sont pas on peut pas les c'est des militaires, c'est pas des gardes de la ville. Oui, mais ils sont pas accessibles. On peut pas les. Ah non, par contre, tu peux pas venir à l'intérieur. Clairement, tu sais qu'il y a des gardes et que quand ils te voient passer, tout de suite, ils t'approchent pour te dire de dégager, quoi. D'accord. Ils sont assez violents. Du moins, tu penses qu'il y a peu de passages dans le sens où c'est très mal vu de passer devant la forteresse de l'Ouest. D'accord, non mais c'était pour savoir, parce que vu qu'on avait... D'ailleurs, dans cette partie-là, c'est là où tu vois qu'il n'y a aucune échoppe, il n'y a rien à part la garnison. D'accord. Non bah écoute, c'était... au moins je sais. Oui, voilà. Mm-hmm. Voilà, donc oui, c'est... En plus, c'est l'une des plus grosses bâtisses que tu aies vues à Sunda Mizumura. Mm-hmm. Mais... Ils ont l'air quand même actifs et c'est plus des militaires que des gardes de la ville. D'accord. Sinon, pour aux bourses pleines, c'est quoi? C'est une espèce de bar. On va faire déjà un peu franchement. Donc tu passes par la rue des fleurs, donc une rue bien sûr fleurie. Tu vois que plusieurs chrysanthèmes sont exposés, symbole de l'empereur. Vous commencez à aller sur la place des Petits Plaisirs. Là-dessus, des bâtiments quand même assez simples, très, très beaux, hein, très belle architecture. Hein. Clairement, les crabes savent construire des murs qui ont l'air solides et aussi un peu plus esthétiques. Tout du moins, vous pensez quand même que c'est pas une forteresse blindée comme vous pensez dans le camp du crabe. Non, ça reste des maisons avec une certaine esthétique. Et vous avez juste en arrivant un temple, donc un temple des 4 pièces d'or. Donc, c'est un temple, on va dire, basé encore sur les petits plaisirs, entre guillemets. C'est, entre guillemets, une sorte de temple où vous priez un dieu, mais pas forcément ce qu'on appelle c'est un peu Daikoku, mais modifié. Donc c'est le dieu de la fortune, mais particulier. Et dès que vous arrivez devant, il y a deux prêtresses en fort belle tenue qui vient en fait vous alpaguer, beau samouraï que vous êtes, jeune aussi. Et vous voyez quand même que tout de suite, ces deux femmes font un peu du rentre-dedans en vous disant qu'ils appartiennent au temple et que si vous souhaitez peut-être fortune et amour dans votre vie, de venir dans le temple prier aux 4 pièces d'or. Ce serait avec un grand plaisir, mais pas pendant notre camp. Enfin, vous savez que nous avons très peu de temps à accorder au plaisir, malheureusement, bien que nous sommes obligés de patrouiller dans le quartier des plaisirs. Et nous sommes en service, donc nous ne pouvons pas prendre de temps pour cela. Tu vois, elle te laisse tout de suite voyant un marchand qui passe à côté, elles aussi l'alpaguent. Tu vois qu'elle parle justement pour ce marchand, comme quoi le temple aurait été fabriqué par quatre marchands, que leur or fondu aurait créé des chaînes en or avec plein de kanji qui célébraient justement encore Daikoku, la fortune, le dieu de la fortune. Donc, tout ça, vous voyez que le type se sent un peu plus charmé que vous, tout le moins il est un peu plus réceptif. Et ils commencent à rentrer à l'intérieur. Ils ont l'air de faire vraiment un travail d'embauche, d'ébauche, de... Je sais plus comment on appelle ça, le fait que tu fasses sur la place publique des... Bref. Oui, non, enfin, oui, voilà. Oui. Elles alpaguent les gens pour les attirer à l'intérieur, quoi. Voilà. Voilà, t'as tout compris. Oui. Donc, je passe le 13, qui est juste une boutique assez simple. Mm-hmm. Vous êtes à la place, du coup, des petits plaisirs. Vous voyez pas grand-chose de vraiment intéressant, mais il y a juste un bâtiment assez particulier, c'est le numéro 12, dans un coin de rue. Disons que c'est un bâtiment qui paye pas trop de mine, mais il y a l'air quand même d'avoir peut-être 3-4 samouraïs, peut-être des ronins d'ailleurs, qui ont l'air d'être en poste devant ce bâtiment. Ça vous intrigue un peu, tout du moins vous pensez pas que c'est une maison à geisha. En regardant de plus près, vous voyez que ça a l'air d'être une sorte de magasin. Mais du coup, je m'approche des ronins. Oui, tu t'approches. Et donc je les salue, et je me présente. Là, je suis Murimoto Kyoshi, je suis un... Alors, excuse-moi, j'ai plus déjà le nom que... Yuriki. Un Yuriki. Oui. Nous sommes ici pour surveiller le quartier, et que tout se passe bien pour tout le monde. J'essaie un petit peu de me faire au quartier parce que je viens d'arriver dans cette fabuleuse cité. Qu'est-ce que cette échoppe ? Tu vois qu'il est un peu déconcerté parce que il n'a pas l'habitude qu'une personne lui pose cette question en réalité. Généralement, ceux qui viennent le voir savent ce que c'est. Il te dit que c'est simplement le magasin de Zunto qui est juste. Te dit un peu comme ça, un prêteur sur gage. Un prêteur sur gage. Okay. Si vous avez besoin d'argent pour vous divertir, c'est chez lui que vous empruntez quelques piécettes qui fera certainement plaisir au geisha du coin. Et tu vois qu'il donne un coup de coude à son ami qui acquiesce. Et vous n'avez pas de sous. Vous devez être fort prospère. Tu vois qu'il dit, disons qu'il y a certains qui ne payent pas aussi. Il y a un manque à gagner. Et vous n'avez pas trop de soucis à ce niveau-là, justement ? Personne qui pose problème Il tourne un peu les yeux et tu vois qu'il se redresse et tu vois qu'il a son katana, il a un sabre. Et mm-hmm. Il te dit, non. Et en touchant son sabre, comme le tapoter comme un petit chat. Ça fait un petit bruit de clinquement, tu vois. Vous avez besoin d'argent, samouraï ? Non, merci, ça ira très bien. Nous voulons juste nous enquérir. Nous voulons savoir quel magasin nous devons donc protéger. Vous en faites pas, nous sommes devant, vous n'avez pas besoin de le protéger. D'ailleurs, à ce sujet, vous allez. Je suppose que vous devez connaître le quartier. Seriez-vous nous donner des informations sur peut-être les échoppes ou les secteurs qui sont un peu plus délicats ou sensibles ? De samouraï à samouraï, bien sûr. Il est plus samouraï. Hein, de ronin à samouraï. Voilà. Petite différence. Tu vois qu'il te dit que dans le coin, la rue des... Alors je sais plus, c'est Bordure, c'est ça ? La rue des Bordures. Est un lieu assez chaud. Il y a pas mal de personnes qui traînent, surtout des personnes qui ont un peu trop bu. Et qu'en règle générale, aucun samouraï n'entre dans le quartier avec ses armes. Oh. C'est une règle. Il devra déposer ses armes justement à peu près au niveau de nous. Il y a la garde qui empêche toute personne de rentrer avec des armes à l'intérieur de cette rue. Y compris les Yoriki qui sont censés protéger. Non, les Yoriki, nous avons une dérogation. Oui. Ah, c'était la garde. J'ai cru que c'était des malfrats qui faisaient la loi. Non. Non, les samouraïs n'ont pas l'autorisation de rentrer armés, sauf que nous sommes Yoriki et nous avons l'autorisation de faire l'ordre, de faire régner l'ordre dans le quartier. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour ces informations qui sont certes très utiles. Il reprend un peu, il s'arrête là sur la discussion, puis je pense que vous commencez à partir de la place des petits plaisirs. Vous commencez à remonter du coup cette rue, la rue des bordures. Vous arrivez à peu près à une, vous voyez qu'il y a une de ces fameuses casernes, les casernes de brigadiers qui est le 11. C'est une caserne qui en fait, c'est des pompiers, de la ville. En cas d'incendie, ils doivent intervenir le plus rapidement possible. Et vous voyez que bon, c'est pas non plus la plus grosse joie, mais bon, ils ont l'air de s'entraîner. Ils commencent à faire le plein, soit d'eau, soit ils font attention à remettre en ordre leur équipement, etc. Bah, si jamais on passe devant et qu'ils nous regardent, je les salue. Comme ça, vite fait. Bah, personnellement, je vais aller vers eux et justement me présenter et signaler notre présence sur le quartier en tant que Yoriki. De même. Hop. D'ailleurs, vous allez commencer à me faire le premier jet de la petite soirée. Ça va être un jet. Vous n'avez pas le choix, hein, désolé. Qui sera en sentiment haut. Tout du moins, vous avez tous noté la même chose, donc Miromoto, Moto et Irumba. Vous avez noté que il y a l'air d'avoir quelques brigadiers qui sont en train de discuter avec vous pensez à un Emin, donc un marchand. Et celui-ci, avec sa petite cargaison, arrive vers eux et puis leur tend un petit sac. C'est assez rapide, mais vous apercevez que les brigadiers l'acceptent volontiers. Ils ont la main lourde, hein, même. Et le mettent directement à l'intérieur de leur kimono. Vous n'entendez pas trop la discussion. Un détail que tu arrives à voir tout de suite. Ce que j'allais dire, Tac et Rumba. Un détail que tu vas apercevoir, c'est que la personne qui leur a donné la bourse, enfin du moins ce sac rempli, si tu veux, a tout bonnement l'air d'avoir une quarantaine d'années, donc quand même assez âgé pour l'époque. Et sur lui, il a l'air d'avoir les habits d'un émin, mais seulement tu penses qu'il a l'air de porter quelque chose de lourd sous son kimono. Quelque chose peut-être, tu sais pas trop, peut-être une armure ou ça doit être quelque chose comme ça, équivalent. Tout du moins, ça t'intrigue un peu, mais sans aller jusqu'à l'obsession. J'ai perdu ma tête. Alors attends. Est-ce qu'il y a moyen que je fasse un petit jet de magouille juste pour savoir si des fois il planquerait pas, ça serait pas une arme ou quelque chose comme ça? C'est fort possible. Je n'ai pas besoin de faire de jet. D'accord. Ça va être me dit quelque chose Attends, vraiment pas. voix. Alors ça ne te dit rien, bizarrement en fait, que tu penses que le type en fait a certainement soit un double kimono, mais ça a l'air plus lourd qu'un kimono classique. Soit, il cache quelque chose en dessous, mais bon, disons que c'est juste tu l'as noté. Mais, tu fais ce que tu veux de l'information. C'est pas non plus quelque chose qui t'a obsédé en disant non mais il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est juste tu remarques ça, tu notes que cette vieille personne a l'air de porter quand même quelque chose de plus lourd. Ouais, mais c'est pour ça que je te demandais si je pouvais faire un jet de magie pour savoir si je planquais quelque chose de particulier en fait. Non, tu pourrais pas savoir quoi de ça en particulier. Ça peut être aussi bien une arme, ça peut être aussi bien. J'allais te dire une armure en métal, mais il n'y en a pas vraiment à cette époque. Ça te parle. Bon, on est d'accord que s'il porte une arme, c'est quand même pas correct, un aiming. Oui, c'est pas correct du tout. Bon bah, si tu me dis que ça me fait ni chaud ni froid, je laisse tomber. Ouais, t'es passé à autre chose peut-être rapidement. Du moins, les personnes sont en train de discuter. Voyant que vous êtes à côté, les deux brigadiers reprennent leur travail à l'intérieur de leur bâtiment et le type se casse par l'autre côté, par l'autre sens. Pas dans le sens où vous êtes, dans l'autre sens. D'accord. Donc je vais continuer un peu le tour du quartier hein, rapidement. Vous allez tout de suite dans la rue des bordures. Bordures. Excuse-moi, des bordures. Tu as pas mal d'établissements, style tripot, style maison geisha, style maison thé entre guillemets. Oui, parce que les maisons thé, c'est maison geisha, je voulais dire. Mais c'est surtout que bon, il y a l'air d'avoir plusieurs lieu de débauche et de plaisir. Disons que vous voyez qu'il y a l'air d'avoir plusieurs des bâtiments qui ont l'air de avoir de l'opium, disons que ça vous étonnerait pas. Vous voyez que pas mal de personnes sont en train de préparer à mettre des guirlandes, ou du moins des lampes au-dessus de leur établissement pour la nuit, justement pour éclairer. Et vous voyez disons, pas mal de symboles sur le bois des maisons, qui ne vous rappellent rien, mais tout du moins, ça a l'air d'être assez répétitif, ces symboles. Plutôt des animaux, coq, cheval, etc. Donc vous faites le tour hein, du quartier, vous voyez que ça a l'air quand même d'être un quartier assez tranquille le jour, vraiment, parce que vous croisez que très peu de personnes. Vous trouvez un établissement dans lequel vous pouvez manger simplement et repartir aussi sec, une sorte de petit restaurant. Entre guillemets, c'est plus une auberge relais, enfin une auberge pour les voyageurs. Ceux qui désirent justement dormir, pas non plus dans la rue, mais vous voyez... et ça genre ici donc vraiment tout à la fin de la rue pour être quand même un peu plus tranquille. D'ailleurs ici vous voyez à peu près voilà comment se passe la rue de nuit voilà. Donc hop ok. Juste faire passer un petit truc, vous avez passé du coup la journée là-dessus, la nuit tombe rapidement, là-dessus les samouraïs sortent pour aller dans cette rue qui devient maintenant bondée de monde, allant d'établissement en établissement. Vous arrivez à traverser la rue, hein, vous avez le droit de porter vos armes, vous voyez que vous avez été... tous les autres samouraïs sont refusés s'ils viennent avec des armes. Ils peuvent les mettre dans des consignes qui sont surveillées par la garde grise. Mais sinon, aucune personne qui rentre dans le quartier n'a le droit d'avoir des armes, sauf vous, voilà, vu que vous avez le bon. Faites votre petit tour. Là-dessus, tout de suite, bien sûr, un membre du clan du crabe vient vous voir. Maintenant, samouraï, est-ce que vous désirez peut-être passer votre temps dans mon établissement? Je fais un fabuleux saké. Ça me ferait énormément plaisir de vous voir à l'intérieur. Oh, ce serait avec grand plaisir, mais nous sommes actuellement en mission. Nous sommes mieux nous que nous. Excusez-moi. Nous ne pouvons pas nous permettre de boire. Mais peut-être une prochaine fois. Oh, venez dès que vous voulez. Mon établissement est toujours ouvert pour les magistrats. Merci beaucoup. Là-dessus, bon, il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Il vous fait un sourire quand vous partez. Bref, vous commencez un peu à bifurquer. Donc là, vous voyez que ça commence à être un quartier chaud, dans le sens où vous voyez directement des femmes un peu plus dénudées qui sont aux fenêtres, qui font juste coucou pour vous dire de venir dans l'établissement. Donc, disons que vous rougissez jusqu'aux oreilles pour certains qui sont un peu plus sensibles. Vous êtes un peu jeune aussi. Vous voyez des filles, enfin, je dis ça, ils ont un peu plus que votre âge, mais pas trop non plus, qui vous demandent à vous de savoir et de venir, venez à l'intérieur de l'établissement, de vous amuser avec eux. Bref, je pense que vous refusez aussi sec, hein. Dites, vous avez fait votre note. Alors je refuse, mais je glisse distraitement pour venir à mes compères. Donc, je ne regrette pas d'avoir été affecté à ce quartier. Donc, là-dessus, tu les entends, oh, un vrai cri de désolation, dommage. Bon, donc vous passez dans ce quartier, là-dessus, tout de suite, un autre marchand arrive, tout de suite, vous voyant, il vous dit, tenez, prenez ceci, et il vous tend un pendentif avec un phallus dessus. Sans façon, nous pouvons pas le prends, ce genre je de... Je le prends et je le lâche par terre. Quoi, tu le prends? Je le prends et je le relâche par terre. Tu le jettes par terre? Non, non, tu sais, je le prends et je le lâche malencontreusement par terre. Vous m'avez demandé de le prendre, vous m'avez pas dit de le garder. T'entends le silence? Là, le MJ, pas bien. Non, il vous dit, non, prenez ce pendentif, il vous donnera la force de Bishamon. Prenez-le, samouraï, ça me ferait énormément plaisir. Dites à tout le monde que ça marche aussi. Oui, bien ça. Sûr, à mon âge, je vais utiliser ça, moi. Non, merci, hein, monsieur. Donc, personne veut ce fabuleux talisman. Moi, je continue à avancer comme si je n'avais même pas calculé, mec. Ah, dommage. Donc, tu continues. Personne me regarde, pourquoi pas le mettre dans ma poche Il vous l'offre, hein. Après, c'est, ça a l'air d'être du toc, mais vous en faites ce que vous voulez. C'est un talisman en bois peint. Et vous comprenez tout de suite, ça ressemble vraiment à au phallus. Bon, si ouais, je vois que quelqu'un le prend, je... Après, dans Rokugan, je tiens à le dire, c'est pas non plus quelque chose de maléfique, en fait. Hein. C'est un symbole. Mais le fait que vous proposez ça dans ce quartier, vous comprenez bien que c'est pour... justement, les gens voient que vous prenez ça. Il y a du monde autour de vous qui vous bouscule, justement, parce que vous arrêtez quand le marchand vient vous tendre ça. On continue, ouais. Vous continuez, vous oubliez du coup... Mais surtout, ce genre de talisman-là, c'est pour l'impuissance et la fertilité, j'imagine. Pas que. Mais en partie. C'est une bénédiction. Oui, c'est en partie ça, mais... Ouais, voilà. Hein, mais moi, je me prends plutôt mal, c'est pour ça que j'ai pas pu le prendre. Jeune et vigoureux, tu sais, donc... Mais oui, je vais prendre ça. Ah, vous savez jamais. Vous savez pas vous faire des relations... Une relation avec un mec qui vendait ça à la sauvette, non merci. À mon avis, s'il est là, il ne vend pas la sauvette. Hein. Bref, et là-dessus, vous entendez un bruit. Ding, ding, ding, ding, ding. Vous entendez un bruit qui résonne dans tout le quartier. Vous êtes loin, mais vous voyez vers. À peu près vers le nord-nord de vous, près de là où vous avez mangé, un feu qui commence à prendre et vous apercevez des braises qui commencent à sauter en plein milieu. Mais vous entendez un peu de panique, quoi. Vous sentez que les gens voient ça tout de suite au fond. Et ils disent qu'il y a un incendie. Il faut aller prévenir la brigade. Tu vois, comme ça. Bah... Eh ben, allons-y, hein. Alors, je cours avertir la brigade. Bon, le bruit que vous avez entendu, c'est la brigade, justement, qui arrive. Qui veut le passage. Non, entre guillemets, qui faisait sonner dans la ville. Ouais, c'est l'incendie. Ok, c'est les cloches. Oui, bah, c'est... Allons voir sur place, plutôt. J'ai pas trop de définition, c'est pas non plus l'alarme à incendie, hein, mais ils ont certainement un moyen de communiquer pour dire qu'il y a un feu dans une partie de la ville. Ouais, ça remplace un peu les... Il y aura du renfort, etc. Donc là, ça remplace un peu les bandes d'incendie, j'imagine. Là, en soi, ils sont avertis, là, quand on entend ça. Ouais, ils sont avertis. Du coup, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est essayer de libérer le passage. Genre, poussez-vous pour qu'ils puissent passer au plus vite, tu vois. Tu commences à forcer le passage. Bon, la foule est un peu... Tu vois, des badauds locaux regardent ça comme un spectacle. Tu arrives, tu commences à remonter la rue, hein, et arriver jusqu'au niveau de l'incendie. Là-dessus, tu vois une maison... une maison simple, pas celle comme que vous avez avec Ida Fujikawa, mais une maison assez simple, qui prend feu littéralement. Tu vois que tu sens une vague de chaleur t'arriver alors que tu es en hiver, tu es avec un kimono assez épais, et là tu sens une vague de chaleur, une fournaise. Tu vois déjà que tu entends des cris, tu entends des hurlements de douleur à l'intérieur. Tu sens qu'il y a du monde qui sont vraiment restés coincés à l'intérieur de cette. Ah ouais, il faut y aller. Le feu, quoi, prend aussi la maison d'à côté et ça commence à se propager. Les gens commencent à fuir. Tu vois que la brigade met beaucoup de temps avant d'intervenir. Mais dans ce cas-là, les gars, il faut qu'on s'organise. Il y en a qui partent sur les maisons qui sont aux alentours pour faire sortir les gens et quelqu'un vient avec moi peut-être pour essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui sont coincés à l'intérieur. Surtout rentrer dans les restaurants aux alentours, récupérer des bidons d'eau ou je ne sais quoi et balancer ça sur le feu. Non, une chaîne, vite. Une heure. Une chaîne. Oui, mais l'urgence là, elle est surtout de faire sortir les gens, quoi, avant d'éteindre. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, je me lance dans la maison dont il y a pris feu. Hein. Ouais, la moi première, c'est pareil. Celle qui est vraiment en train de brûler. Okay. Ouais, moi c'est pareil. Qui vient avec lui? Moi j'y vais, moi. Il y a une moto. Moi j'ai cherché l'eau. Hein. Je rentre dans les restaurants en alpaguant les gérants et les clients en disant de venir m'aider. Et moto. Ouais, c'est d'éteindre. J'ai dit que je suivais dans le bâtiment. Avec Miromoto et Hiruma. Ok. Donc, vous arrivez à l'intérieur et là-dessus, vous allez me faire un jet de tac-tac. Ça va être un jet d'eau parce que c'est le feu, donc l'élément contraire serait de l'eau. Du coup, un jet d'eau pour contrer les flammes et ne pas subir leur coup. Sachant que chaque réussite réduit de 1 les dégâts. Vous prenez obligatoirement 3 dégâts entre guillemets, vous prenez une blessure à 3 à chaque fois que vous restez à l'intérieur. D'accord ? Donc à chaque fois, vous allez faire un truc en eau et à un certain seuil, vous allez commencer à avoir des brûlures qui vont être premier degré, puis ensuite deuxième degré, etc. Donc clairement, vous pouvez pratiquement peut-être mourir à l'intérieur si vous restez trop longtemps et que vous ratez vos jets. Hiruma, tu rentres à l'intérieur. Tout de suite, tu entends les cris d'une enfant qui gêne. Dans un coin d'une pièce, tu la vois de l'autre côté des poutres enflammées. Le papier de riz a complètement brûlé. Le parquet est devenu maintenant... pratiquement de la cendre. Le feu s'est rapidement propagé à l'intérieur du bâtiment. Tu croises deux corps adultes carbonisés, et là-dessus tu vois qu'une fille au coin d'une pièce qui voit le feu arriver de plus en plus, qui en pleure, et qui tu vois qu'elle a respiré pas mal de fumée, commence petit à petit à perdre connaissance. Tu vois ça, tu rentres à l'intérieur, le premier réflexe c'est peut-être d'aller voir, d'aller sauver la fille. Oui. Miromoto, tu arrives au mauvais moment, il y a un retour de flamme après que Hiruma est venu. Tu vois que tes vêtements prennent feu directement, tu vois que ton lourd kimono commence à partiellement brûler, donc tu commences à enlever les braises et les petites flammes qui arrivent sur toi. Mmh. Tu recules immédiatement par réflexe, tu commences à tapoter tout ça, et Tac, Moto Grabatar, toi, tu commences à venir à l'intérieur et je te tiens un truc. Tac, tac, tac. Tu vas utiliser, tu peux utiliser tes opportunités pour. Tac, tac, tac. Pour que. Tac, tac, tac. Alors, tu peux les utiliser pour justement. La prochaine attention, la prochaine action que tu feras. Avec ton avec l'anneau de l'eau, tu auras une réussite par opportunité que tu garderas. Très, très bien, je vais prendre ça dans ce cas-là. Donc voilà. Donc tu commences à venir aussi à l'intérieur, tu regardes l'ensemble du bâtiment, tu vois que ça commence à être une vraie fournaise. Là-dessus, je vois que Iruma, tu te précipites vers la fille, c'est bien ça? Oui, oui. Elle commence à perdre connaissance petit à petit. Tu as fait un excellent jet d'ailleurs. Tu commences à venir vers elle. Tu passes à travers cette poutre enflammée. Et tu arrives à son contact et à la porter. Elle n'est pas très lourde, hein, heureusement. Elle est vêtue d'un kimono violet, etc. Tu la portes dans tes bras. Tu commences à vouloir ressortir, mais tu vois qu'une autre poutre s'est agencée et qu'elle est venue t'empêcher de sortir par cette entrée. Donc. Tac, nouveau, hop, je vais en faire un petit tour. Miromoto, toi, tu as effacé les flammes, tu vois ce qui se passe à l'intérieur, tu vois les poutres. Yoritomo, rappelle-moi, tu es allé chercher de l'eau, tu vois que tu vas dans les trucs marchands, les types à côté ont juste quelques bidons d'eau, donc ils te les donnent, tu vois que tu en prends, mais ce sera jamais assez. Il faudrait... Non, mais je rentre dans les, surtout dans les restaurants, parce que dans les restaurants, il y a assez d'eau pour faire du thé, tout ça. Oui, mais ils ont des tonneaux, tu vois. Donc, je leur dis de venir m'aider, on va essayer de contenir le feu et tout ça. Là-dessus, ils arrivent, ils prennent ce qu'ils peuvent, tu vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à se mettre en place, mais la brigade, tu vois qu'ils disent, la brigade toujours pas là, il faut qu'ils arrivent vite avant que ça arrive à mon restaurant, et puis ils commencent à jeter de l'eau un peu partout, tu vois ça, ils le jettent un peu salement. J'ai essayé alors de courir en direction de la caserne de la brigade. C'est dans l'autre côté. Tout l'autre côté de la rue. C'est à l'opposé. Ouais. C'est là, tu vois. Ok, donc... Ça prendra trop de temps à aller les chercher, donc vaut mieux que je les aide. Alors, tu peux commander les gars pour qu'ils puissent bien s'organiser pour l'eau, tu vois. C'est ce que je pensais que t'allais faire. J'allais te demander, sinon, un jet de commande. Du coup, je vais essayer, oui, c'est un... Je vais essayer de les organiser afin de pouvoir permettre de faire. Tu me choisis l'anneau. Alors, sachant que pour commande, tu peux utiliser la terre pour la raison, l'eau pour le charme. Inciter, c'est-à-dire vraiment forcer les types, les inciter justement à faire ça, c'est avec l'anneau de feu. Et trick, je sais pas ce que c'est trick en anglais déjà. C'est mentir, tu peux utiliser l'air. Je pense que tu me diras quel anneau tu utilises. Je vais plutôt utiliser soit le feu, soit l'eau. En fait, ça va être vraiment essayer de les charmer ou d'insister, de leur faire peur que si jamais ils se dépêchent pas. Tout le quartier risque de cramer, ainsi que leurs échoppes. Ouais, fais ton jet, et puis on verra le résultat. Donc, là-dessus, Miromoto, tu vois que l'intérieur commence à brûler, tu as effacé quelques flammes. Par contre, t'as perdu, tu vois que ton vêtement, si tu retournes, là, t'es sûr que s'il prend feu, tu prends feu avec lui. Ou du moins, tu as peur que ça peut arriver. Ensuite, à voir, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que dans tout ça on entend toujours des gens qui crient ou là il y a vraiment plus rien? Non, ça devient vraiment silencieux. Tu penses que là il commence à c'est un peu mais au pire je sors de la maison et je vais dans la maison juste adjacente, enfin tu sais, collé. Tu rentres dans la maison adjacente, là-dessus tu vois deux vieux qui sont déjà inconscients dus aux fumées. Tu les vois, ils sont grands, mais je vais sortir. Tu peux en sortir qu'un pour le moment, tu choisis lequel, quelle personne. La femme d'abord. D'accord, et je crie dehors, en sortant, je crie à ce que quelqu'un vienne pour l'homme dans la foulée. Ouais. Tu vois que tu prends la femme, tu la portes, elle est, tu la mets sur ton dos, et tu commences à sortir du bâtiment. Et là-dessus, tu cries que des gens viennent t'aider. Tu vois qu'il y a un rythme qui est en train d'organiser, donc il y a peut-être des gens qui arrivent du coup en renfort. Et là, désespoir que tu vois le bâtiment qui est juste à côté commence à s'écrouler, peut-être à cause de la même poutre qui commence à rentrer dans l'autre bâtiment. Et là-dessus, tu vois que le bâtiment où tu étais est en train de s'effondrer. C'est pas ce qui se passe, mais tu as la personne dans ton dos, donc tu te dépêches à aller très loin parce que il y a ensuite un souffle de feu qui vient vraiment comme le souffle du dragon qui vient te toucher. Et tu cours assez loin pour mettre pour protéger la personne en sécurité. Voilà. Par contre, peut-être pour celle qui est à l'intérieur, son heure est venue. Ou du moins, tu gardes espoir, donc on verra ce qui se passera. Ouais. Je tiens à savoir ce qui se passe avec Iruma et Moto Garbata. Vous pouvez vous concerter à savoir qu'est-ce que vous faites. Moi, j'ai cherché à sortir. Hein. Disons que là, normalement, la sortie qui est devant toi, qui mène à l'extérieur, est obstruée par une poutre. Et tu tiens quelqu'un dans tes mains. Je peux peut-être essayer de... Alors, est-ce que c'est vraiment une poutre, c'est genre truc immense, une poutre. C'est lourd, okay. C'est gros. Voilà. Est-ce que ça peut se découper Je sais pas si tu connais Topito, mais ils font ce genre de délire en disant qu'il y a différents types de poutres, mais une poutre, c'est une poutre. C'est gros, c'est lourd, et ça ressemble à du bois. Mais je veux dire, la poutre, est-ce qu'on peut passer par au-dessus ou par en dessous? Tout est fait de flamme, donc impossible que tu puisses passer à travers la poutre. Il faut obligatoirement la pousser pour l'écarter, ou du moins la soulever pour que tu puisses passer en dessous et que tu puisses t'enfuir. Bon, et, dans tous les cas, il faut la toucher, se mettre la main à la patte. Donc tu fais quoi? J'essaye de soulever la poutre, de la déplacer. Ok, bah tu vas me faire un petit jet. Encore une fois, là ce sera en fitness. Tu prendras aussi des points de dégâts comme d'hab parce que tu touches un objet en feu. Question hors. Enfin, c'est juste pour le EMJ. On est au Japon. Le Japon est quand même connu pour ses maisons en papier. Oui, c'est ça. Donc. Alors attention, t'es chez les Ida. Les Ida, c'est plus des maisons un peu plus solides que chez les oui, autres. Oui, mais enfin c'est pas non plus voilà, c'est pas on n'est pas en Europe, c'est pas du bois de 40 cm d'épaisseur quoi. En fait, il y a un chantier naval juste à côté. Donc peut-être certaines maisons prennent le bois du chantier naval pour leur habitation, ce qui leur permet de d'accord. OK. Moins cher. Donc, Moto, tu vois que tu commences à prendre dans tes mains la poutre et je sais pas ce que tu décides d'en faire, la soulever, la pousser. Je la pousse. Tu la pousses. Enfin, tu donnes un grand coup de dent, ce qui l'a fait un peu valdinguer. Donc, tu vois que tu es assez. Pour ta nature chétive, comme tu l'as dit, tu es plutôt costaud, enfin trapu. Là-dessus, Iruma, ni une ni deux, tu vas me faire aussi le même jet. Prends la fille et là-dessus tu te baisses et tu commences à foncer vers l'extérieur et là-dessus tu vois que justement au même moment la maison commence à s'écrouler, ou du moins à pencher vers le côté et tu vois tu commences à glisser vers la sortie et à faire un roulé-boulé pour éviter les braises et la déflagration comme l'a vu Miromoto. Moto, toi tu te prends un peu mais disons que ça fait que brûler un peu tes vêtements, tu t'en sors en suivant rapidement Iruma. Et tous les deux, vous sortez du bâtiment qui s'écroule juste à la fin, quelques minutes près, vous étiez à l'intérieur et peut-être enseveli sous les débris calcinés. Vous sortez et là-dessus, vous avez juste quelques braises, quelques flammes que vous tapotez nonchalamment, comme si rien n'était. Vous sortez de la maison un peu comme des héros, là, la foule vous applaudit. Je ne sais pas s'ils applaudissent en manière générale, mais on va dire que oui. Là-dessus, voilà. Yoritomo, avec toi, tu commences à organiser les mecs qui commencent à prendre l'eau et à chercher tout cela. Enfin, ils étaient déjà un peu très nombreux, donc ils cherchaient dans toutes les maisons. Ils commencent à asperger. Malheureusement, il était trop tard, le bâtiment s'est écroulé. Et c'est juste à ce moment que la brigade arrive avec une citerne et vous voyez qu'ils ont des seaux d'eau. Et là, la population n'aide plus. Et c'est la brigade qui prend le relais qui éteint l'incendie. avant qu'il se propage à d'autres maisons. Vous voyez que les maisons à proximité de celle qui a été le plus touchée ont été pratiquement ensevelies, enfin détruites. Mais ceux qui sont encore à maison plus 1, elles sont intactes, tout du moins la brigade a fini par éteindre les dernières braises. Zen. Oui. Une fois sorti de la maison et que je vois donc la brigade arriver. Se tient, toi, tu vois, avec sa petite main collée dans ton kimono, tu vois qu'elle dort en fait, pratiquement. Elle a l'air couverte de suie, tout couverte de sang, pardon. Elle tient ton kimono avec ses petites mains comme si elle voulait pas te lâcher. Bon, ça, je la laisse faire. Mais j'essaye de regarder la foule et voir si je vois pas le visage d'un gars qui aurait transmis des bourses il n'y a pas si longtemps que ça. Très malin. Eh ben, tu vas me faire un petit jet qui sera caché. Donc je t'invite à utiliser du point de vide si tu le désires. Tu commences à apercevoir dans la foule de nombreuses têtes de bateaux qui sont étonnés. Et même tu les vois tous... regardez les sauveurs, ceux qui ont sauvé l'enfant des flammes, donc là-dessus ça devient quelque chose d'intéressant. Tu surveilles et tu vois pas grand-chose, il y a trop de monde à agglutiner. Tu sais pas s'il est là le type que tu as déjà vu, tout du moins, et non, ça te paraît pas présent. D'accord. Tu regagnes un point de vide. Ok. Voilà. Donc, Niro Tour, tu portais une vieille femme que tu as posée ensuite au sol. Elle reprend un peu plus rapidement ses esprits que la jeune fille qui a sauvé Hiruma. Mm-hmm. Et elle regarde sa maison écroulée et tu la vois en pleurer des hectolitres de larmes, tous aussi salés que la mer. Tu vois qu'elle pleure la mort de son... Enfin, c'est un peu tôt, mais... Tu vois qu'elle a compris rapidement que son mari était à l'intérieur. Mmh. Et il dit « Shima, non !» Et puis elle pleure. Les badauds sont là pour un peu la réconforter. Toi. Je sais pas ce que tu dis. Mais je... Enfin, je fais un peu comme mes excuses, même si je suis pour rien. Mais genre, voilà, je suis désolé, je n'ai pas pu le sauver. J'ai dû faire un choix et... Je vous ai choisi. Je pense que il aurait voulu que ce soit vous aussi. Alors, voilà. Donc, tu vois qu'elle se prosterne hein, devant toi, donc elle se met sur les genoux et met bien la tête sur le sol. Et Samurai-sama, vous n'avez pas à vous pardonner. Je vous remercie énormément de m'avoir sauvé mon humble vide. Vous êtes mis en danger pour moi. Yep. Moi qui suis une vieille femme. Mais c'est normal, c'est mon rôle. Ah, c'est super. Tu bombes le torse. Voilà. Très bien. Donc là-dessus, les brigadiers commencent à éteindre les dernières braises, comme je l'ai dit. Et voyant un peu le tas de cendres se faire terminer, il y a la garde grise qui arrive rapidement et qui demande allez, circulez, il n'y a rien à voir. Voyant que vous êtes sur place, tu vois qu'il y en a un qui t'attrape par l'épaule, Yoritomo. Tu vois qu'il y en a un Ida, aussi poilu qu'un ours, qui arrive. Il te dit bah, de dégager, petit, c'est dangereux. Vous inquiétez pas, je connais le danger. Et je bombe le torse avec le mon sur la poitrine. Mmh, tu vois qu'il le voit ton bon mon, donc l'étoile du shérif, comme quoi. Puis te lâche. Tu dis bon, je vois qu'on embauche assez jeune dans la magistrature. Oui, mais c'est toujours des personnes compétentes. Donc tu vois qu'il tourne un peu les talons et puis il va voir les autres gardes. Tu entends rapidement la conversation comme quoi ils vont boucler un peu le secteur et que ils vont parler avec vous, mais qu'ils doivent garder l'enquête en quelque sorte. Mmh. Très bien. Voilà, c'est tout ce que tu peux entendre. Parce que c'est vrai que après tout ça, après le comment dire, là, un peu la folie qui s'est emparée du quartier, que ça retombe un petit peu. Maintenant, il va falloir un petit peu réfléchir à ce qui s'est passé. Comment ce feu s'est déclaré, est-ce que c'est accidentel ou malheureusement, comment dire, j'ai plus le mot là, mais criminel. Voilà. Criminel, ouais. Criminel. Donc, il va falloir interroger de toute façon les personnes qui étaient dans le feu. Ça, et puis peut-être faire un tour de la maison, enfin des alentours, voir s'il y a des gravats. Des gravats, voir s'il n'y a pas quelque chose qui aurait pu qui soit visible. Avec la brigade du feu, oui, ça serait bien. Ils doivent savoir à peu près ce qui peut causer des incendies, eux. Et ce qu'on utiliserait pour causer des incendies criminels. Très bien. Donc, dans l'ensemble, les badauds sont jetés. Il ne reste plus que vous, un membre du clan du crabe qui appartient à la garde grise, qui est celui qui est poilu, la vieille dame que tu as sauvée, Miyamoto, les brigadiers qui sont en train de reprendre leur équipement, peut-être à débarrasser quelques débris, et tu vois qu'ils font très attention, ils cherchent peut-être des corps ou d'autres. Et il y a aussi la petite fille qui s'est littéralement endormie dans les bras de Hiruma. Idéalement, bon, après, c'est une petite fille, mais ça aurait été déjà si elle avait été de réveiller, de lui demander, puisqu'elle était dans la maison où c'est parti. Voilà, elle était dans la maison principale qui a pris le feu, certainement, parce que c'était la première qui a pris le feu, et celle d'à côté que tu as sauvée était celle qui a été par dégâts collatéraux. Ouais, voilà, elle a subi l'incendie de la première, quoi. Voilà. Autant la laisser se reposer et poser des questions d'abord à la dame. Donc la vieille dame, hein, vous pouvez... Oba, grand-mère, c'est... se nomme Tsuji. Alors, je l'écris un peu. Donc, c'est quoi, c'est Tsuji Oba? Non, oui. Oba Tsuji. Tsuji Oba, ça veut dire grand-mère. Bah alors, du coup, nous, comment on la nomme? Bah, tu peux l'appeler... grand-mère, hein, c'est... Oba, alors, on l'appelle Oba. Ouais, c'est ça. Tiens, je vais l'écrire là. Ah, parce que, bon, j'ai pas encore tout le vocabulaire qui va bien pour... Mes amis, est-ce que je peux vous entretenir quelques instants, s'il vous plaît? Alors, c'est Oba-san. Oba-san, d'accord. Oui, je t'écoute. Nous entretenir? Oui, s'il vous plaît. Hiruma, c'est Hiruma, c'est ça? Tout à fait. Hiruma-san. Vous ne trouvez pas que la garnison a mis bien beaucoup de temps à venir par rapport au temps où ils nous ont signé, enfin, il y a eu le signal du feu. Il est vrai que elle a mis beaucoup de temps, mais peut-être. Cela est d'autant plus suspect que au vu des choses qui sont arrivées hier. Même si elle peut cet après-midi. Ah, Anodine. Ah oui, excusez-moi, je parle quand on est en mon sens du temps. Mais oui, cela peut paraître encore plus suspect vu de ce qui s'est passé cet après-midi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Après, il faut se dire que la rue est bondée. Pour passer, et en plus il y a dû avoir la foule qui s'est un peu agitée avec le feu. Oubliez ça. En gros, non, je... Combien de temps il s'est passé entre le moment où le feu s'est déclaré et le temps où les gars sont arrivés? À peu près au bas mot 10 minutes. 10 minutes. Ouais, mais c'est 10... assez de temps pour que tu remontes la rue toi à pied, que tu vois le truc, que tu interviennes rapidement. Tu pourrais te dire que bon bah ils étaient peut-être occupés ailleurs et qu'ils étaient peut-être loin de toi, mais ils ont mis plus de temps que toi, ça t'es sûr. Ok. Il y a une citerne à déplacer et tout ça, hein, faut pas l'oublier. Oui, faut pas oublier. Mais et puis la foule surtout à déplacer, mais bon après. disons qu'ils ont mis plus de temps, c'est passé quand même assez vite, mais que le bâtiment s'est écroulé avant qu'ils arrivent. Donc... On sait à qui appartient ce bâtiment ? Non, pour le moment, vous ne savez pas. La seule à escaper est la petite fille, si je ne m'abuse. Oui. Je vais aller parler avec Obasan, avec la grand-mère. Oui. Donc, tu vois qu'elle est un peu sous un état de choc, hein, ouais. Quand même. Elle est habillée avec un kimono assez épais, tu vois qu'elle a les cheveux et un chignon bien fait, etc. Donc elle a l'air d'être une émine, mais d'avoir une émine avec certainement un peu plus riche que certains. Ça va. Bah, du coup, je me présente devant elle et je lui dis désolé de vous déranger, je sais que pour vous en ce moment c'est assez difficile, mais j'aimerais savoir à qui appartient. Cette maison, la maison qui a brûlé. Celle qui a brûlé, où le feu a pris. Elle dit qu'elle appartient à un marchand émine qui s'appelle Oden. Oden. Oden, O-D-E-N. Oden, et que vend. Il te dit. Attends, pardon. Il te dit, oui. Kakidama Oden. Kakidama. Ce n'est pas un samouraï, c'est un nom d'émine. D'accord. Et qu'est-ce qu'il... Enfin, c'est un marchand, donc qu'est-ce qu'il vend de... Là-dessus, elle sait pas. Elle sait pas du tout quelle est sa marchandise. Ah. Elle a eu des fois l'occasion de parler avec sa femme ou sa fille, mais que elle n'a pas. Son mari serait peut-être plus enclin à savoir des choses parce que lui aussi était marchand. Elle ne sait pas ce que vendait Kakidama. Pourtant ils sont voisins. Hein. Il occupait aussi la maison la plus riche de ce quartier. Enfin, d'accord. Ce quartier-là. Quand tu regardes la tête de la maison, tu la vois, elle passe d'un étage. Quoi. Et vous n'avez rien vu de suspect ces derniers temps? Ou peut-être entendu des disputes ou des quelque chose qui aurait pu... À mon âge, on n'entend plus grand chose. Oh. Mais oui, j'ai surpris nombreuses. Alors, je vais faire avec la voix normale. Parce que oui. Je peux pas trop faire la voix du vieux parce que sinon, c'est bien, mais pas tout le temps. On imagine que tu fais. On imagine. Une voix du vieille dame. Voilà. Elle te dit que oui, il y avait quand même pas mal de trucs qui se passaient et qu'elle parlait avec sa femme. Et sa fille, et ils ont accueilli dernièrement un certain Kyuda, qui est apparemment un parent, ou du moins elle a pas très bien saisi le terme, mais un lointain cousin de Oden il y a quelque temps, que apparemment ça serait dans les disputes entre Oden et sa femme. Kyuda, d'accord. Tiens, attends, je vais le marquer. D'ailleurs, je te mets le nom de la fille, comme ça. Ouais, là, les noms, parce qu'après, sinon, je ne peux pas tout retenir. Comme ça, moi, je les marque aussi. Voilà. D'accord. Les autres, ils ont entendu, enfin, ils étaient à côté de moi, je suppose, ou pas loin. Ouais, donc, ça m'évite de répéter tout. Après, idéalement, maintenant, il resterait que à faire le tour de la maison, enfin, regarder les décombres, voir s'il n'y a pas des choses qui seraient susceptibles d'être, de trouver le départ du feu. Et, effectivement. Et puis après, il y a la petite fille, mais bon, pour l'instant, elle n'est pas en état de quoi que ce soit. Donc, D'ailleurs... Iruma, je pense que en l'état actuel des choses, j'ai bien vu que la petite ne voulait pas te lâcher, mais je pense qu'il serait mieux que tu veilles sur elle si jamais c'était, si c'était criminel. Peut-être que quelqu'un pourrait vouloir attenter à sa vie. Voilà. Je compte bien la ramener en la demeure, Seigneur Ida. D'accord. Parfait. Donc, vous faites le tour de la maison. Ok. Du coup, vous cherchez des indices, c'est ça? C'est ça. Alors, ça va être un jet en... Je suis désolé, c'est encore du sentiment. Avec, cette fois-ci, disons que ça peut être soit R, pour analyser les décombres, soit O, pour à peu près surveiller les alentours, peut-être chercher des pistes, des traces de pas, etc. Ou ça peut être le vide, pour avoir une sorte de sensation étrange, entre guillemets. Peut-être avoir ses sens un peu plus ouverts, que ce soit la vue, peut-être l'odorat, qui sait. Moto, j'ai commencé par toi. Tu commences à regarder les environs, à chercher quelques potentiels indices sur les maisons, enfin sur les alentours. Tu aperçois que oui, quelqu'un a bien fui la maison. Là, tu en es sûr. Tu vois qu'il y a ces empreintes qui sont un peu partout. Il a l'air de porter quelque chose sur lui. En regardant de plus près, et justement c'est l'opportunité que tu arrives, tu regardes, ça ressemble à du... Tu tâtes et tu vois une sorte de poudre blanche, et en fait c'est du sel. Tu vois qu'il y a eu du sel qui a été déversé au fur et à mesure de ces traces de pas. Et tu perds un peu sa trace dans le quartier, hein. Rapidement, tu ne vois plus ces traces, de pas. Sa trace mène vers où, entre guillemets, enfin, c'est... Je vois que ça s'écarte de la maison plus ou moins, mais ça a l'air de revenir vers la rue longue. La rue où il y a la forteresse. Très bien. Donc voilà. Et pour toi, Iruma, donc tu cherches, tu vois, tu fous dans les décombres. La première chose que tu trouves, bah, c'est des cadavres. Tu vois qu'il y a un cadavre. Il a été complètement brûlé. Tu ne sais pas ce qui aurait pu lui arriver, mais en tout cas, certainement les flammes ont eu raison de lui. Mais tu vois qu'il y a quelque chose à proximité. Il avait une lampe à huile, donc c'était, tu sais, genre les trucs recouganés. Donc c'était, on mettait de l'huile, l'huile végétale, une mèche, et ça faisait une lampe pour s'éclairer. Une lampe à huile qui a été renversée, et tu penses que ça peut être la chose qui aurait pu faire partir l'incendie. Ça te semble... le type a peut-être eu un problème, un malaise, qui sait. Tu analyses comme ça, tu fais peut-être... Alors, je regarde si des fois, sur les corps, il n'y aurait pas... Enfin, je sais pas, un objet métallique ou quelconque qui aurait pu le toucher ou blesser. Ou... Alors ça, c'est un jeu de médecine. Ce sera un jet de médecine, et ce sera avec R aussi. Quand tu me vois, le feu a vraiment rogné le corps, tu pourrais pas découvrir quoi que ce soit. Tu regardes rapidement, mais bon, tu n'es pas expert en cadavre, malheureusement, et tu n'y touches pas. Surtout pas. Rappelons-le, tu ne touches pas le cadavre. Donc c'est aussi... J'ai une gamine dans les bras, de toute façon. Ah non, je pensais que tu l'avais mis de côté. Ah non, non, je la garde avec... Sur le dos. Tiens, voilà, regarde, voilà un de tes parents, il est là. Horrible. Peux-tu regarde, c'est papa. Peux-tu l'identifier? Donc, elle est toujours inconsciente, hein. Ouais, elle est toujours inconsciente. À part la lampe que tu as trouvée au sol, qui serait pour toi potentiellement le déclencheur, il n'y a rien d'autre dans la maison de très intéressant. D'accord. L'opportunité, je peux en faire quelque chose sinon ou pas? Non, il n'y a rien d'intéressant avec cette opportunité. Même pas enlever des points de conflit. Ouais. Donc ça t'a un peu énervé aussi de ne pas trouver d'indice sur ce corps. Peut-être tu as des doutes, mais tu peux pas le toucher pour le palper pour trouver. Ah oui, non, ça, d'accord. Surtout qu'il y a la gamine, tu sens qu'elle a l'air de se réveiller. Elle a ses yeux tout fatigués qui te regardent, des yeux marrons, magnifiques. Elle a l'air d'être complètement fatiguée dans les vapes. Eh ben, on va s'écarter de là. Ouais, donc t'écartes. Là-dessus, les autres vous replacez, hein. Donc la petite fille se réveille, ses gros yeux, elle demande à la première personne qu'elle voit, hein, et moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ta demeure a pris feu. Et malheureusement, tes parents ont péri dans l'incendie. Oh, le tact. Ah, c'est magnifique. Ah, j'adore ça. Ah, le mec, il est... Un crabe. C'est pas faux. C'est pas faux, tiens. C'est des mines en plus, hein, de toute façon. Tu vois qu'elle pleure à cheveux de larmes après que tu lui as révélé que ses parents sont morts. Papa, maman. Bref, elle pleure. Là-dessus, la grand-mère vient. Elle aussi pleure un peu, mais tu vois qu'elle rassure un peu la gamine en lui disant que peut-être a-t-elle perdu ses parents, mais elle a toujours de la famille qui peut l'héberger. Si elle désire, elle pourrait s'installer avec la grand-mère chez les parents à elle. À la grand-mère. Sinon, je peux lui donner l'opportunité de la prendre à mon service afin qu'elle puisse grandir et reprendre sa liberté. Vous avez grand cœur, samouraï, mais c'est une émine. Oui, certes, mais sa sécurité est quelque peu. Veux-tu t'éloigner un peu? Enfin, je vais chuchoter dans l'oreille de la grand-mère. Sa sécurité pourrait être compromise si ça, mais cet incendie est criminel. Ah, tu vois que elle fait un signe de la tête. Elle compatit du coup, mais bref, elle n'avait pas trop. Et vous, où comptez-vous dormir? Elle a des personnes chez qui elle peut être hébergée certainement. Des parents proches donc. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas dans le besoin d'un toit. Elle refuse plus de générosité de votre part. Elle est déjà extrêmement redevable, elle ne veut pas être d'autant plus. Elle doit juste se recueillir et voir procéder aux obsèques de son mari. Du moins, là, pour l'instant, elle est assez en état de choc. D'ailleurs, il y a les États qui arrivent, et c'est eux qui vont enlever les débris. Et qui vont commencer à déterrer, à déplacer les cadavres. Voilà, les corps, etc. Vous, il commence à être assez tard, hein, les états sont dessus, il y a les gardes qui sont à proximité, qui gardent vraiment l'emplacement. Tu vois qu'ils vont juste vous poser des questions rapidement. Honnêtement, c'est des questions sans vraiment but. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui aurait une torche à la main, mis le feu à la maison? Parce que tu vois vraiment des trucs très concrets, mais que non, vous n'avez pas vu ça. Est-ce que à l'intérieur, vous avez vu une personne voler j'allais dire Oden. Tu vois des trucs vraiment qui n'ont pas vraiment de sens dans l'enquête. Donc, au moins. Ce que vous leur racontez, ça ne pourrait pas coller à soit un vol, soit un pyromane ou quelqu'un comme ça. Vous dites simplement que ça ressemble plus ou moins, à un accident, le fait qu'il y ait une lampe qui a été renversée sur le sol, plutôt qu'à quelqu'un qui aurait mis le feu à la maison. Mm-hmm. Donc, vous repartez avec la fille tranquillement. Oui, d'ailleurs avant de repartir avec la fille, quand même, j'essaie de lui parler entre quatre yeux et lui demander si elle accepte de me suivre. Oh, tu vois, oui. Pour elle, c'était sa dernière vision, c'est te voyant venir la sauver. Donc, Ouais. Tu es son héros, quoi. Mais en fait, là, elle est tellement en train de pleurer, tu vois que vraiment, elle est en état de choc. De toute façon, elle a nulle part où aller. Voilà. Tu sais que sa place sera dans un orphelinat, sinon. Oui, bon, moi, je la garde avec moi. D'ailleurs, il y a un excellent orphelinat, mais on en reviendra après. vous retournez à la rue des auberges, vous traversez les quais, etc. Vous rentrez à la maison, vous voyez que la petite s'est endormie dans tes bras, toujours des larmes coulant sur ses joues, et tu vois que ton kimono est trempé de sel. Ce n'est pas grave. Et vous arrivez tranquillement, tu la couches dans un lit, dans un quartier où les domestiques ont préparé un futon, et puis elle peut se reposer. Je demande aussi, est-ce qu'on lui fasse prendre un bain avant tout, quand même? Là, elle est vraiment en train de dormir. Le prendre un bain à cette heure-là. Mais l'hygiène avant tout, c'est important. Faut pas saloper les draps, quoi. Moi, je soupire en même temps. Un crabe qui parle d'hygiène, tu vois, c'est encore pire. Recueillir une émine. Quelle idée saugrenue. Tu vois que ils font un peu. Tu vois qu'elle est à moitié réveillée, elle repleure. Elle se fait laver, tu vois qu'elle comprend pas tellement, mais les serviteurs lui passent un coup d'éponge et puis elle s'en rendort. Bref, elle passera une excellente nuit. Tu penses qu'elle aura fait plein de cauchemars. Tu l'as même entendu crier au feu, etc. durant la nuit à cause de ses cauchemars. Quant à vous, vous êtes encore réveillé. Je sais pas ce que vous comptez faire. D'ailleurs, je vais vous demander qu'est-ce que vous faites avant d'aller vous coucher. Bah, pour ma part, je vais m'occuper de mes affaires, mon kimono qui est partiellement brûlé. Donc, essayer de faire en sorte de pour demain d'en faire un autre, parce que là, clairement, je vais pas me balader avec ça les autres jours. Et puis, me laver, quoi, parce que du coup, on doit être plein de cendres, de suie, tout ça va un peu partout, donc le bain du soir. Me faire une petite toilette. Ok. Donc tu te fais ta petite toilette. C'est pas très compliqué. Il y a des bains publics en fait. Vous avez aussi du matériel pour vous laver, mais il y a des bains publics mais qui sont pas ouverts à cette heure-là. Il y en a des bains chez Ida Fujikawa. Ouais, non. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Non, il n'y a pas de bain. Ah ! Il y a de quoi faire sa toilette, mais il n'y a pas de bain. Les bains, c'est des bains que vous trouvez, des bains publics, quoi. C'est des établissements. C'est ça. On vous donne même des produits pour vous laver, comme des fleurs ou des trucs comme ça, bref. Ou des onguents, mais pas du savon, hein, ça n'existe pas. Bref. Donc oui, mais tu peux faire une dépalbution, quoi. Voilà, ça, et puis après, manger un petit bout. Parce que derrière, on n'a pas bouffé non plus, donc... Le soir, tu manges pas énormément. Ouais, mais non, mais une petite bricole, parce que bon... Tu manges ce qui... Tu ris un peu frais, mais tu manges en une seule bouchée, t'as dépensé énormément d'énergie, et ça te fait du bien. Tu bois même un petit peu un jus de riz, enfin, un jus d'itchi, ça arrive. Voilà, et puis... Elle est qu'au dodo. Et au dodo, moi, pour moi. Iruma. Oui. Tu comptes faire quoi? Bah, déjà, je vais parler de ce que j'ai pu voir dans la demeure. Donc, expliquer qu'apparemment, je pense que c'est que le feu est parti du fait que la personne, enfin, une personne a tenu une lampe et qu'elle l'a échappée. Pour une raison que j'ignore. Que je soupçonne être criminel. Vous avez pris la lampe ou pas? Vu l'état dans lequel elle était, c'était pas récupérable. Sans même être récupérable, juste voir si on trouvait pas quelque chose dessus à la lumière du jour et tout ça. Alors, les lampes en question, j'imagine, c'est des espèces de lanternes en papier avec dedans une coupelle en bois et de l'huile avec une mèche. Donc oui, c'est brûlé, quoi. Voilà, un truc à la con comme ça, parce que... C'est-à-dire que la lampe, quand même, n'était pas trop dégradée, si vous l'avez reconnue. Oui, il y a un peu de métal, hein, je tiens à dire. Genre, d'accord. T'as une anse ou quelque chose pour la tenir qui est caractéristique de ce genre de choses, quoi. Ouais, d'objet, quoi. Bref. On va peut-être bientôt s'arrêter là, donc je vous fais passer aussi, la nuit. Vous commencez à établir peut-être un rapport pour Kuni Aizu. Vous commencez à faire votre petit document. Celui qui écrit le mieux met sur papier, couche sur papier les pensées de chacun. Et puis commencez à aller vous coucher. Donc comme je l'ai dit, la petite fille a fait des cauchemars de feu. Ah bah. Et vous voyez qu'elle n'est pas très bien, enfin, elle a l'air vraiment fragile maintenant, que cet événement est passé. Et puis vous aussi, disons que vous vous rappelez de l'incendie, vous commencez à essayer de se souvenir. Peut-être vous avez manqué quelque chose. Non, vous avez tout vu, la pièce était vide, à part la fille, vous êtes rentré dedans, personne. Mais bon, est-ce que c'est criminel ou non, c'est peut-être l'avenir qui vous le dira.